belle lune qui brille. Je suis pas vraiment décidé, mais je suis habillé, alors quoi faire? Finalement j'ai pris mon scooter pour tracer la route et voir ailleurs. Je suis tombé sur une bande de branleurs. Pris mes mégots, mon scooter, le portable, mes boots, mes rollers. Pourtant j'ai rien demandé, pourquoi ils me cassent les couilles? Dites-moi pourquoi, dites-moi pourquoi ils nous cassent les nouilles. Faut se lever tôt tous les matins et être à l'heure pour gagner son pain et son beurre. Payer les factures, laver sa sueur, je suis un chômeur, je travaille pour eux. J'ai pas rêvé, pas fabulé, moi pas rêvé, moi pas rêvé. Je suis rentré chez moi, pris mes cachets pour voir des conneries à la télé. Courage de crâne avec des infos en tops, rien de positif, des leurres et des barbures en série. La météo du soleil, un peu de pluie partout, à croire qu'on vit dans un placard, mangeant les mains. Faut se bouger le cul pour aller bosser, gagner sa croûte et celle de ceux qui vont pas y aller. Tous les jours c'est pareil, faut se booster, tout ça pour un chèque qu'on va dépenser. Mais on nous en prend déjà la moitié, pour payer les impôts et les guerriers.